Chapitre 24. Mila Darville à Emma S000. Ma chère Emma, je m'en vais vous conter une petite chose qui m'a laissé un aimable souvenir. Ces jours derniers, un jeune cultivateur des environs vint demander un bouquet à Mademoiselle de Montbrun pour sa fiancée. Il devait se marier le lendemain. Aussi, nous fîmes de notre mieux, et le bouquet se trouva digne d'une reine. Le brave garçon le regardait avec ravissement et n'osait presque y toucher. Son amour est célèbre par ici, et comme les femmes s'intéressent toujours un peu à ces choses-là, nous le fîmes causer. « Ah, ma chère, celui-là n'est pas un blasé, ni un rêveur non plus. Je dois le dire, car il est le plus rude travailleur de l'endroit. Aussi, sous sa naïve parole, on sent le plein, comme sous la parole de bien d'autres, on sent le creux, le vide. » Angéline écoutait, avec une curiosité émue et sincère. Moi, je le faisais parler, et finalement, nous restâmes charmés. Angéline décida qu'il fallait faire une petite surprise à ses amoureux. Et le jour des noces, nous fûmes leur porter un joli petit réveillon. Les mariés n'étaient pas encore arrivés. Je vous avoue que leur maisonnette proprette et close m'intéressa. Nous avons tout examiné. Les moissons qui mûrissent, les arbres fuitiers encore petits, le jardinet qui fleurira. Tout près de la porte, deux vieux peupliers ombragent une source charmante. Angéline dit que les belles sources et les vieux arbres portent bonheur aux maisons. Celle-ci n'a, à bien dire, que les quatre pans. Mais on y sentait ce qui remplace tout. La nappe fut bientôt mise, et le réveillon sortit du panier. C'était plaisir de voir Angéline s'occuper de ses soins de ménage, dans cette pauvre maison. Elle regardait partout, avec ses beaux yeux grands ouverts, que vous connaissez, et me fit remarquer le bois et l'écorce soigneusement disposés dans l'âtre, n'attendant qu'une étincelle pour prendre feu. Je vous avoue que ce petit détail me fit rêver. Nous sommes revenus en philosophant. Angéline voulait savoir pourquoi dans le monde on attache du mépris à une vie pauvre, simple et frugale, si vous l'entendiez parler des anciens Romains. Quant à moi, je me sais grand nom sur les lèvres roses. Je vois toujours avec respect la pauvre maison d'un colon, et pourtant, aurais-je donc moi de cette vieille dévotion que vous appelez le culte du veau d'or? Je ne le crois pas, mais certains côtés du faste m'éblouissent toujours un peu. Pour se soustraire tout à fait à l'esprit du monde, il faut une âme très forte et très noble. Or, les âmes fortes sont rares, et les âmes nobles aussi. Je vous embrasse. Mina.